Chapitre 12. Le lendemain, quand son mari fut parti pour rejoindre les Blainville qui l'emmenaient à Beausserville, Antoinette alla se promener à pied avec son chien. Au moment où, arrivée près de l'avenue de la Rosière, elle se disposait à rentrer, elle se trouva tout à coup en face de Madame de Breuil. « Tiens, s'écria-t-elle étonnée, vous n'êtes pas allée vous baigner ?»« Non, dit Germaine, je suis un peu souffrante depuis quelques jours et toutes ces parties me fatiguent. » Elle hésita un instant et reprit « Vous aussi peut-être, car vous n'y allez jamais. Moi, elle m'ennuie. Vous aimez le mouvement pourtant ?»« Oui, mais un mouvement meilleur enfant. Celui-là est trop correct pour moi, trop à la pause. » Madame de Breuil hésita encore et finit par demander « Monsieur d'Étiolle est-il allé là-bas »« Mais oui. Est-ce que vous ne l'avez pas vu ?»« Il a dû venir ici prendre vos cousins qui l'emmenaient. »« J'étais sorti déjà quand ils sont partis. » « Je me promène beaucoup pour combattre une espèce de névrose qui, dit-on, est à son début et peut-être enrayée encore. » La comtesse regarda la jeune femme et la trouva très changée. Ses beaux yeux grands veloutés s'entouraient de petites rides, fines et creuses, qui semblaient dessinées à la pointe d'un canif. Un cercle bleu d'un bleu violacé accusait le dessous de la paupière, faisant paraître l'œil plus brillant et plus enfoncé. Le nez s'émaciait, s'abaissant vers les lèvres moins rouges et moins fraîches qu'autrefois. À l'instant, la comtesse qui vit ce changement sut à quoi l'attribuer et pensa « Elle souffre autant que moi, et elle a moindre sort. » Elle était attirée vers cette nature faible et sensuelle, si différente de la sienne, et elle regrettait l'hostilité qu'elle sentait dans les moindres paroles de Germaine, dans des mouvements à peine indiqués. Elle demanda « Alors vous êtes seule ce soir ?»« Oui. »« Eh bien, « soyez très gentil, venez dîner à Étiolle. »« Oh, un dîner pas bien amusant, mais vous ferez grand plaisir à ma belle-mère et à moi. »« Mais, » balbutia Germaine, désireuse d'accepter et de passer une soirée dans ce salon où tout lui parlerait de Guy. « Mais je crains. »« Quoi ? Voyons. Prévenez que vous venez avec moi, je vous attends ici. » Madame de Breuil fit signe à un domestique qui causait devant la maison du garde, puis revenant vers la comtesse, elle demanda « Vous voulez que j'aille dans ce costume ?» « Mais naturellement, vous allez dîner toute seule entre ma belle-mère et moi, vous savez. »« Je l'espère bien, » répondit Germaine en détournant la tête pour cacher les larmes qui voilaient ses yeux. Elle avait si souvent dîné ainsi autrefois entre la douairière et son fils. Et elle était, dans ce temps-là, heureuse et confiante dans l'avenir. Elle croyait à la sincérité de Guy, elle y croyait pleinement, et le coup avait été si rude. Et tandis qu'elle songeait, remuant tous ses douloureux souvenirs, Antoinette devinait exactement ce qui se passait en elle. Elle eût voulu la consoler, atténuer sa peine, lui crier « Mais moi non plus, il ne m'aime pas, et je suis sa femme, moi. J'ai borné à lui mon horizon. Vous, vous pouvez, si bon vous semble, commencer une autre vie, mais moi, c'est fini, je suis sa chose. Lui, il a le droit de s'occuper de toutes les femmes. Moi, j'ai le devoir de n'être occupé que de lui seul, et quoi qu'il fasse, de lui toujours. » La douairière vit avec plaisir arriver Germaine. Elle redoutait un peu la soirée en tête-à-tête avec sa belle-fille. Elle craignait d'être fatalement amenée à parler de ce dont elle avait promis de ne plus parler jamais. 5 minutes avant 7 heures, Jacques de Bièvre arriva. « Je viens vous demander à dîner, si ça vous agace. Prenez-vous-en un Guy, c'est lui qui m'envoie. »« Vous l'avez vu ?» demanda la comtesse. « Oui, il y a 1 heure, dans l'eau. Il m'a dit de venir vous ennuyer ce soir, que vous étiez seule. » « Madame de Breuil, » dit Antoinette, a bien voulu aussi égayer notre solitude. » Monsieur de Bièvre se mit à rire. « Est-ce que je vais avoir l'air bête entre vous trois ? À propos d'air bête, ils avaient de bonnes têtes, allez, les baigneurs. » La douairière demanda. « Pourquoi de bonnes têtes ? Parce qu'ils étaient tous plus ou moins grotesques. Blainville avec son monocle, Ligny avec son chapeau qui flotte à côté de lui, et les femmes donc. Madame de Blainville, mais, interrompit la comtesse, indiquant d'un geste imperceptible la présence de Madame de Breuil. « Bah, ça lui est bien égal à Germaine que sa cousine soit vilaine dans l'eau. Est-ce qu'elle l'est ? Elle a le haut des bras rouges et les coudes cagneux. C'est vrai, cagneux. Je l'avais vue 100 fois au bal, Madame de Blainville. Eh bien, jamais je n'avais remarqué ça. » « Mais, » dit Antoinette, « Madame de la Soleil doit être gentille, elle. Elle, ah oui, elle a l'air d'un petit chat noyé. Et Madame de Ligny, donc ? Une bouée qui aurait des doubles mentons partout, sapristi. C'est une drôle d'idée de se montrer dans ce costume-là quand on n'est pas plus agréable à voir. pas bienveillant, Jacques, dit la douairière en riant. Mais si, je suis bienveillant, comme tous les indifférents. Mais je trouve révoltantes ces exhibitions ratées. Et notez que même si elles étaient bien tournées, ces dames, elles seraient tout de même peu à leur avantage dans l'eau. Et pourquoi ça? Parce que des femmes qui ne nagent pas sont laides à voir grouiller à la même place, sautant, se trémoussant bêtement. Je trouve, dit Antoinette, qu'un homme qui ne sait pas nager est plus grotesque encore que celui qui ne sait pas monter à cheval, mais une femme, c'est tout différent. Ça vous est facile à dire, vous nagez comme un requin, vous. Non seulement c'est vilain, une femme qui sautille sur place, mais encore c'est gênant. Ainsi, tout à l'heure, Blainville était là, grelottant, n'osant pas lâcher sa femme. Et ce pauvre Guy, il se multipliait, offrant son aide, promenant ses dames sur le dos, etc., etc., au lieu d'être paisiblement à tirer sa coupe dans 3 ou 4 bons mètres d'eau. En entendant raconter que son mari promenait ses dames sur le dos et se multipliait, la comtesse avait rougi. Jacques s'en aperçut, et cherchant à réparer sa maladresse, il n'avait vraiment pas l'air de s'amuser, ce bon Guy. Je crois qu'il trouvait que la Soleil et Ligny auraient pu trimballer eux-mêmes leurs femmes, au lieu de les lui coller sur les bras. Pour la seconde fois, il venait d'avoir la perception très nette de la jalousie d'Antoinette, et il ressentait un involontaire dépit de cette jalousie. Mais pendant le dîner, en la voyant si gaie, si étonnamment jeune et si pleine d'entrain, il se demanda s'il n'avait pas rêvé. Était-il possible que cet éclat de rire eût au cœur une inquiétude, une préoccupation quelconque? Toute la soirée, Antoinette fut d'une étourdissante gaieté. Gaieté qui finit par gagner presque Madame de Breuil. La douairière regardait sa belle-fille avec étonnement. Jacques était complètement sous le charme, et quand, à minuit, Germaine se leva pour partir, il éprouva une sorte de déchirement à la pensée qu'il lui fallait aussi quitter la gentille et rayonnante créature qu'il commençait à aimer beaucoup trop. « Puisque vous retournez à la Rosière à pied, dit la comtesse à Madame de Breuil, je vais vous reconduire, j'adore me promener la nuit. » Jacques entrevit un moyen de rester plus longtemps avec Antoinette. « Voulez-vous me permettre de vous accompagner aussi? Je reviendrai ici avec vous et je reprendrai ma voiture. » « Très volontiers. » Ils reconduisirent Madame de Breuil par les avenues. En revenant, Antoinette proposa de passer par le bois pour changer, et M. de Bièvre accepta, ravi d'allonger ainsi la route. Il faisait nuit noire. Madame d'Étioles, qui connaissait toutes les pierres du sentier, courait presque. Jacques la suivait avec peine, en trébuchant à chaque pas. À la fin, resté un peu en arrière, il s'arrêta court. « En vérité, je ne sais plus du tout où je suis. J'ai perdu le sentier. Me voilà empêtrée dans le taillis. » Elle se mit à rire. « Attendez, je viens. Où êtes-vous ? » Elle s'avançait, les bras étendus, écartant de son visage les branches. La paume de sa main rencontra la bouche de M. de Bièvre. Au contact du gant parfumé à travers lequel il sentait la chaleur de la peau fine, Jacques fut secoué d'un frisson. Il perdit la tête, et saisissant dans ses mains les petits doigts qui ne se défendaient pas, il écola éperdument ses lèvres, cherchant à attirer Antoinette à lui. Mais alors elle recula, se débarrassant violemment de l'étreinte qui la faisait, elle aussi frissonnait toute, en disant seulement, sans reproche, mais effarée et honteuse, « Oh ! Pardon !» balbutia M. de Bièvre atterré. « Pardon, je ne sais ce que j'ai prouvé, j'étais fou, c'est que je vous aime tant !» Elle l'avait pris par le bras pour le guider, et elle continuait à l'entraîner sans répondre. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans la cour et que Jacques montait en voiture, il vit à la lueur des lanternes des traces de larmes sur les joues de la comtesse. Quand Antoinette se retrouva pour la première fois seule avec M. de Bièvre, elle ne fit aucune allusion à ce qui s'était passé. Elle semblait avoir tout oublié. Jacques, au contraire, inquiet, ému, très secoué par les sensations nouvelles qui s'éveillaient en lui, se troubla et fut nerveux et contraint. Et voyant le calme de Madame d'Étioles, il se dit « Elle n'éprouve rien pour moi. Pas même cette affection banale qui fait qu'on s'aperçoit de la souffrance de ceux qu'on aime un peu. » C'est qu'il souffrait vraiment de cet amour qu'il sentait grandir malgré lui. Il avait beau se raisonner, se répéter que la comtesse adorait son mari, ne pensait qu'à lui, ne voyait que lui, qu'elle n'était ni très jeune, ni très réellement jolie, qu'il ne serait jamais pour elle que l'ami de Guy, il sortait de chaque rencontre plus malheureux et plus épris. Antoinette avait très bien compris que M. de Bièvre l'aimait d'un amour sincère et respectueux. Elle était profondément chagrine de le voir malheureux par elle, car elle éprouvait pour lui une affection vraie. Elle s'appliquait, quand il était là, à faire ressortir ses défauts physiques, à accentuer ses aspérités de caractère. Elle cherchait à le dégoûter d'elle. Et cela devint si visible qu'un jour, à la suite d'une boutade de sa belle-fille, la douairière s'écria « En vérité, mon cher Jacques, je ne sais ce que vous avez fait à Toinon, mais elle n'est pas la même avec vous qu'avec les autres. » Chaque fois qu'il quittait la comtesse, M. de Bièvre se promettait de ne plus la revoir, et le lendemain, il sortait à cheval dès le matin, battant la forêt pour la retrouver, rentrant désespéré quand il n'avait pu la rejoindre. Le plus souvent, il la rencontrait se promenant avec son mari, et il les accompagnait, causant, riant, redevenant le Jacques des bons jours. Quand Madame d'Étiol était seule, son attitude changeait. D'abord, par ce seul fait qu'elle se promenait seule, il comprenait que Guy papillonnait ailleurs et qu'elle pensait à lui, et il respectait sa rêverie. Et puis, il aimait tant à marcher silencieux derrière elle dans les petits sentiers de la forêt. C'est là que, pour la première fois, il avait été frappé de la souplesse d'Antoinette et de son charme singulier, et qu'il avait pressenti ce qui arrivait aujourd'hui. Un matin, la rencontrant près de l'étang de Clairlieu, il la trouva pâle, les paupières battues, les pommettes rouges, il demanda « Vous n'êtes pas souffrante ?»« Non. » Malgré lui, il affirma « Alors vous avez pleuré ?» Elle répondit sèchement « Pas davantage. » « Guy va bien ?»« Oui, il déjeune au haras de Rosière avec les lignées et les lassolets. » Ils étaient arrivés au coude de la route. « Voulez-vous, proposa M. de Bièvre, que nous traversions Villers et que nous revenions à la Moselle en passant par Flavigny ?»« Je veux bien. » Ils gagnèrent la route du Montet. Au moment où ils achevaient de grimper la côte, un landau arrivait à eux. « Tiens, » dit Jacques, « les voilà. Ils ne déjeuneront pas de bonne heure. » La voiture, en les croisant, s'arrêta. « Ah !» s'écria la petite de la Soleil, s'adressant à Antoinette. « Monsieur d'Étiol qui nous racontait que vous étiez malade et que ça vous empêchait de venir à Rosière avec nous, ah bien ?»« J'avais pris, en effet, mon mari de m'excuser. Je suis un peu souffrante. Et ce déjeuner ?» En répondant, elle regardait Guy. Assis au fond du landau entre Madame de Ligné et la petite marquise, il disparaissait sous les jupes roses et bleues refermées sur ses genoux. Devant étaient Bessège et M. de Ligny. M. de la Soleil conduisait. « Vous allez faire une longue promenade ?» demanda Madame de Ligny. Antoinette répondit « Non. M. de Bièvre que je viens de rencontrer m'a proposé de rentrer en passant par Flavigny. »« C'est singulier ?» dit Bessège en regardant méchamment la comtesse. « Elle est immense, cette forêt de haies. » « On s'y rencontre toujours. » Antoinette devint très rouge. Jacques, étonné de la voir rougir, pensa « Qu'est-ce qu'il y a donc ?» D'Étiol, qui jouait avec les coques de ruban nouées aux manches de l'ombrelle de la petite de la Soleil, s'écria tout à coup « Vous savez, si nous restons là, en plan, nous ne serons pas à Rosière à midi. » Monsieur de la Soleil toucha du fouet ses chevaux. « Marchons, je ne demande pas mieux. » Et Guy, saluant, le bras largement déployé, cria distraitement à sa femme qui s'éloignait « Bonne promenade, toi non, bonne promenade !» Quand il fut seul avec la comtesse, Jacques demanda « Bessège, tout à l'heure, a certainement eu l'intention, en parlant des rencontres de la forêt, de vous dire quelque chose de fin ou de piquant ?»« Mais, » répondit Antoinette embarrassée, « je ne croyais pas qu'il m'eût rien dit, monsieur de Bessège. »« Rien de direct, non, mais il avait l'air de s'adresser à vous. » « Je n'ai pas remarqué. Tiens, j'aurais cru le contraire, car vous êtes devenue toute rouge. »« Eh bien, oui, il l'a, puisque vous l'avez vu. M. de Bessège m'a effectivement lancé une chose désagréable. »« À quel propos ?»« Parce qu'il y a quelque temps, le jour de la partie de Liverdun, je l'ai rencontré dans la forêt. Il m'a demandé la permission de se promener avec moi. »« Seulement ?»« Comment seulement ?»« Oui, il ne vous a demandé que ça. C'est terriblement discret pour Bessège. » Il m'a fait la cour, mais je déteste raconter ces choses-là. Ne racontez pas. Je vois ça comme si j'y avais été. Donc, il m'a fait la cour bêtement. On fait comme on peut. Je l'ai quitté aux cinq tranchées en lui disant que j'aimais mieux me promener toute seule. Il paraît qu'il m'a suivi. Comment savez-vous ça? Parce qu'il sait que je vous ai rencontré ce matin-là et que nous nous sommes promenés ensemble. C'est Madame de Prael qui me l'a dit, en m'accusant nettement de vous avoir empêché d'aller déjeuner à Liverdun. Et avec des phrases, des sous-entendus. Peu justifié, hein ? Fit Jacques, en riant d'un rire faux. Et après un silence, il ajouta avec colère. Vous n'avez d'ailleurs pas à vous inquiéter de ce que peuvent dire ou faire la mère de Pryle, qui est une rosse, et Bessège, qui est un goujat. Aussi, je ne m'en inquiète pas. Vous voyez bien que je suis resté là, même pour vous, que je vous vois toujours autant. Tout pâle, la voix changée, il murmura. Oh oui, soyez toujours la même pour moi, dites. Et promettez-moi que je vous verrai toujours. Antoinette vit son émotion. Elle tourna dans un pissentier et répondit, en affectant de rire, à Jacques forcé de rester derrière elle. Mais naturellement, vous me verrez toujours. Est-ce qu'on pourrait se passer de voix, Étiole, voyons ? Il demanda. Vous me trouvez ridicule, n'est-ce pas ? Sincère, elle répondit, non. Bien sûr, bien sûr. Elle disait vrai. Elle était infiniment touchée et reconnaissante de cette affection qui l'enveloppait toute. Elle comparait l'amour de Jacques à celui de Guy et, désespérément, elle en mesurait la différence. Pour l'un, elle était tout. Il ne vivait que par elle et pour elle, ne s'intéressant plus à rien qu'à elle depuis qu'il la connaissait. Pour l'autre, elle était une femme à peine plus aimée que les autres femmes qu'il courtisait. Plus aimée ? De cela même, elle commençait à douter. Elle se disait que si son mari ne la trompait pas encore matériellement, il la trompait moralement du matin au soir. De ses flirtages, de ses galanteries banales, elle ressentait un immense dégoût. Excessive et exclusive en tout, elle ne comprenait pas cette dispersion constante, cet émoustillement perpétuel. Et une sorte de mépris d'elle-même la prenait à la pensée que malgré tout, elle aimait Guy de toute son âme et de tout son être, et que, quoi qu'il fît, elle lui appartiendrait quand même et toujours. Monsieur de Bièvre, qui la suivait, admirant les lignes fines et souples de sa taille et de ses hanches, devinait à son attitude abandonnée, à sa tête inclinée et pensive, qu'elle rêvait et que son rêve n'était pas gai. La tristesse d'Antoinette s'était accentuée depuis la rencontre de la voiture. Il voulut la distraire et la rassurer. « Ces dames n'étaient pas brillantes tout à l'heure, » dit-il tout à coup. « Ce ne sont pas des femmes du matin. » Madame de Ligny, dans son four rose, faisait penser à une tomate, et la petite Lassolée étalait dans son nuage bleu des teintes cadavériques. « Je n'ai pas vu ça. Parbleu, j'aurais dû m'en douter. Vous trouvez toujours toutes les femmes jolies, vous. Eh bien, je crois que Guy lui-même était de mon avis. Oui ?» Il avait l'air de s'embêter considérablement sous les jupes de ses femmes. « Il ne m'a pas fait cet effet-là. Ce que vous ne l'avez pas bien regardé. »« Aussi, dit-elle, je vous assure que je l'ai bien regardé, au contraire. » Ils arrivaient à l'entrée de l'avenue. Monsieur de Bièvre s'arrêta. « Je vais vous quitter ici. »« Pas du tout, vous allez déjeuner à Étiole. » »« Mais non, mais si. » »« Je suis toujours fourré chez vous et vous... »« Et moi ?»« Et vous, malgré vos promesses, vous n'êtes jamais venu me voir. » Guy m'avait promis pourtant que vous viendriez tous les deux passer une journée aux Roches. » Elle répondit d'une voix presque irritée. « Il n'a pas le temps, il est si occupé. » Sans paraître remarquer l'énervement d'Antoinette, Monsieur de Bièvre reprit. « Mais vous auriez pu venir me voir un tout petit instant. Je voudrais vous faire visiter ma vieille caverne. Eh bien, j'irai vous voir. » « Vrai, ça, c'est promis. » « Promis. Et moi, quand je promets, je tiens toujours mes promesses. » « Même si ça vous ennuie ?» Même si ça m'ennuie. Mais ce n'est pas à craindre cette fois. Tenez, voilà ma belle-mère qui attend sur le perron. Et descendant de cheval, elle demanda. Est-ce que nous sommes en retard, maman? Non, mes enfants, répondit la douairière en tendant la main à monsieur de Bièvre. Il s'inclina, baisant tendrement la belle main douce et blanche de la vieille femme. Il était tout heureux. Il lui semblait que cette façon de dire « mes enfants » le réunissait à Antoinette dans une même étreinte affectueuse. Et après le déjeuner, allongé dans un grand fauteuil, entre la comtesse qui chantait et la douairière qui travaillait à ses éternelles tapisseries, il se trouva pleinement heureux et pensa « Si j'avais une mère et une femme comme celle-là, je ne serais pas comme Guy à courir les auberges et les routes avec des gommeuses et des idiots. Oh, le bonheur chez soi, quel rêve !» Monsieur de Bièvre était encore là quand, vers 6 heures, le comte rentra. Joyeux, animé, bon garçon comme toujours, il parut ravi de retrouver sa mère, sa femme et son ami, et raconta gaiement sa journée. D'abord, une des postières de Lassolée était tombée boiteuse en route. Il avait fallu aller au pas, et arriver à 1 heure et demie. Est-ce qu'il faisait faim ? Et puis, en visitant le haras, Madame de la Soleil s'était trouvée mal de peur. Oui, un cheval échappé, et on avait dû la rapporter à la maison de très loin. Il en avait les bras cassés. C'est donc toi qui l'as porté ? Demanda la douairière. Naturellement. Ligny se défile tout de suite dans ces occasions-là. Et Bessège est mou comme une vieille chiffe, il l'aurait lâché. Mais la Soleil ? La Soleil ? Il n'est jamais là quand sa femme se trouve mal. C'est-à-dire, observa Jacques, que sa femme ne se trouve jamais mal quand il est là. Le comte demanda. On croirait à t'entendre qu'elle choisit son moment. Parbleu ! Guy haussa les épaules. Il jouait en parlant avec un mouchoir qu'il faisait tournoyer. Un affreux petit mouchoir de batiste rouge garni de dentelles et chiffré d'une couronne de soie blanche. Et malgré elle, Antoinette regardait ce mouchoir qui n'était pas à son mari. Monsieur de Bièvre, suivant les regards de la comtesse, reconnut aussitôt dans ce chiffon le goût un peu rastaquaire de la petite marquise et se dit « Ça, c'est un souvenir de l'évanouissement. » Quand Jacques partit, monsieur et madame d'Étiol le reconduisirent jusqu'au bout de l'avenue et revinrent ensemble par le bois, en longeant l'herbage des poulains. Dès qu'ils furent seuls, Guy passa son bras autour de la taille de sa femme et, se penchant vers elle pour l'embrasser, « Ma chérie, » murmura-t-il tendrement, « ma chérie, que c'est bon de se retrouver auprès de toi. » Il l'attirait doucement, et elle respirait, à mesure qu'elle se rapprochait de lui, un violent parfum d'héliotrope blanc. Ce parfum, elle le connaissait bien, c'était celui de la petite de la Soleil. Tout de suite, elle revit le mouchoir rouge et son mari enfoui sous les jupes dans le landau. En même temps que l'image grêle de la jeune femme, elle vit se dessiner le petit corps falot de Madame de Ligny et, plus loin, dominant les deux autres, la silhouette élégante de Germaine. Alors elle s'écarta presque brutalement, détournant son visage. Stupéfait, il demanda « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien. »« Comment rien ?» Et d'une voix inquiète « Rien, quand vous vous éloignez de moi ?» Quand vous me refusez vos lèvres ? » Antoinette dégagea son bras. « J'ai mal au nerf, » dit-elle d'une voix enrouée, et elle se sauva en courant, laissant son mari tellement abasourdi qu'il ne chercha même pas à la rejoindre.